Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une commandite de votre magasin local et régional Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Le printemps est à nos portes et pour vos besoins d'articles printaniers, c'est Canadian Tire du 1751 boulevard Vézina qui est l'endroit idéal. Surveillez la circulaire chaque semaine pour les différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. Tel qu'annoncé sur les ondes de Dan Radio Sport jeudi dernier, la ville de Dolbeau-Mistassini a décidé d'aller de l'avant avec le projet Aqua Gym. C'est un projet de 15,3 millions. Un projet qui a été réduit quelque peu sur le projet initial, évidemment pour arriver aux coûts qui ont un petit peu monté au cours des dernières années. Il y aura 6 corridors au lieu de 8 qui étaient initialement prévus. Également, à noter que le tremplin de 9 mètres a été enlevé. Par contre, il y aura des estrades accueillant 200 personnes seront faites au complexe Aqua Gym. Les travaux ont été octroyés à la construction Unibec qui devrait commencer vers la mi-avril pour se terminer à l'hiver 2021. Pour effectuer évidemment les travaux, ça va amener la fermeture de la rue des Érables entre la 3e et la 4e rue. De plus, la soupe populaire et la société d'histoire sera réaménagée. Il y aura une séance d'information qui aura lieu le 29 avril prochain à 18h30 à l'hôtel de ville du secteur de Dolbeau. On va tenter d'ailleurs de rejoindre le maire de Dolbeau-Mistassini, Pascal Cloutier, aujourd'hui pour en avoir davantage de nouvelles. L'Avalanche du Colorado hier a perdu 4-3 contre les Blues à Saint-Louis. L'Avalanche qui est toujours évidemment en chasse pour les séries éliminatoires. Samuel Girard de Roberval a été blanchi. Le golfeur Kevin Fortin-Simard a très bien fait hier en Floride en une carte de 78, ce qu'il place au 16e rang avec 4 autres golfeurs. Ligue Bantam Régionale, les Rapides de Dolbeau-Mistassini étaient en action au cours du week-end et ont commencé leur finale contre les Ambassadeurs de Chibougamau. Et dans le cadre d'un programme double, ils ont perdu 3-1 dans la première rencontre avant de l'emporter 8-1 toujours dans la deuxième partie. La série va se poursuivre en fin de semaine à Chibougamau. Et la course de la relève sera présentée cette année le 28 mai prochain. Le volet adulte, il en coûte 20$ et pour une préinscription en ligne, 30$ sur place. Et le volet scolaire, c'est maternelle, première et deuxième année, 2$, troisième année, 5$. Donc, pour information et inscription, contacte Pierre-Luc Ménard, 637-70, 637-70. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec Bruno Boudreau, on fait un peu l'analyse de la Ligue américaine. On sait que la saison de baseball est commencée depuis jeudi dernier. Sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.